J'espère encore, espère la vie, espère toujours dans l'insomnie. Espère, espère, espère, espère dans les conventions, espère dans cette condition. Espère croire l'avenir, espère que demain sera moins pire. J'espère que demain sera mieux qu'aujourd'hui. J'espère, j'espère, ma pauvre chérie, mon pauvre amour, bien essayer de t'aider. Même avec moi, tu cries au secours. Je ne sais pas comment t'aimer. Comment faudrait t'aimer. À part se noyer dans la foule afin d'éviter les regrets, je n'ai plus ce que tu voulais. Ton amour au filet puis court, les cartons étaient mal distribués, comme deux enfants qui jouaient dans la cour, que les militaires sont venus tuer, sans raison en fait. Pour faire court, juste tuer, car c'est leur métier. Mais au fond, ont-ils des remords? Sans doute même pas de regrets. Et puis, sous les ordres, l'impunité. Et puis sous les ordres, l'impunité. Espère dans ses contradictions, espère dans sa putain d'addiction, espère au fond de sa façon, espère, c'est le poison. C'est elle le poison. C'est elle le poison. C'est elle. Espère encore, espère la vie, espère toujours dans l'insomnie. Espère, espère, espère toujours, espère dans les conventions, espère dans sa contradiction, espère croire en l'avenir, espère que demain sera moins pire, sera mieux qu'aujourd'hui. Espère, espère, espère dans sa contradiction, espère dans sa putain d'addiction, espère au fond de sa boisson en fait, espère, c'est elle le poison, c'est elle le poison.